J'ai toujours opté pour la débrouille malgré les paquets de gifs. Ce récit n'est pas tout cuit, vas-y éclater le spliff. Toujours une carte dans la manche, moi j'ai capté le vice. À force de craquer je glisse, à force de me taper je brise. La loi du silence, la voix de la sentence. Plus d'une décennie que mes coups de crayon résonnent aux urgences. À 32 piges, côtoie encore le casse-pipe. À quoi se résume mon vécu, drôle de casting. La haine dans les yeux, comme Vincent Cassel. À chaque instant je fais l'équilibriste sur la corde raide. Parlez pas d'ouverture quand chaque individu se referme. Je cause avec un surjon dans le muet derrière la porte qui se ferme. J'abrite mes convictions, loin d'être libre, proche des cartouches que je vide. Sur le périph' de l'imprévisible, le marmot à la tête dure. Je m'en cache pas, c'est visible. La roue tourne, j'attends toujours que la chance me rende visite. J'avance avec ma conscience pour éviter de tricher, tricher. Reste fort, il ne faut pas embrasser le plancher, plancher. Chacun doit muscler son mental pour éviter de flancher, flancher. Ce texte comme une savate dans la gueule. Je me comporte d'une drôle de manière haineuse. J'ai du mal à faire mon deuil. Difficile de trouver le calme quand l'orage gueule. Difficile de ne pas se mouiller quand la pluie m'accueille. La fuite mes cœurs, concentrer l'émotion, j'ajoute ma touche. Après la conception du beatmaker, à force de mouiller le maillot, les six radiront, j'ai une sale odeur. Je refuse de vivre sur les rotules, je m'adapte, j'échange et surtout je prends du recul. Parfois je combatte étrange entier comme une soirée de pleine lune. Besoin de lunettes, je vois plus très bien ce que veut dire être mûr. Des yeux dans le dos, de peur qu'on piège entre quatre murs. Je progresse entre folie et mauvais karma. Je demande de rien, j'ai toujours évolué à l'écart moi. Reste vrai, nique pas tout pour être confiant, faut croire en soi. La sincérité m'a dit regarde-moi. J'avance avec ma conscience pour éviter de tricher, tricher. Reste de fort, il ne faut pas embrasser le plancher, plancher. Chacun doit muscler son mental pour éviter de flancher, flancher. Entre vengeance et sagesse, dis-moi ce que t'en penses. Dis-moi lequel des deux fait ta faiblesse. Parfois je suis perdu et pourtant je me presse. Parfois je me bute, parfois je dois courir pour une poignée de pièces. Je suis pas en phase avec ce monde, cette réalité stresse. Et le pire, ce couplet m'a vidé, je blesse. Autant se tirer une balle dans le pied, accepter de se dire que tout est niqué. Frère, tout est fait pour craquer. Ferme les yeux, essaie de rigoler. Parce que le pognon prend pas la santé que cette vie tient à voler. Sérieux dans nos affaires, dans la façon dont on parle.